Sortent d'abrutis encravatés qui sont de véritables plaies. les ennemis de la nature et du monde animal, qui tels les enflures chient sur le monde en général, bannissons-les.